invite le peuple à regarder devant. De montagnes, de direction. La mémoire du désert derrière. L'avenir posé comme une question. Tu dis que la terre coule de promesses, mais qu'elle demande d'aimer et d'obéir. Car la pluie du ciel suit ceux qui choisissent de marcher selon ton désir. La bénédiction suit le chemin que le cœur choisit. Nous choisissons la vie aujourd'hui. La voix de ton amour et de ta loi. Car la bénédiction habite la fidélité et non les chemins sans toi. Nous choisissons la vie aujourd'hui.